En signe de condoléances au décès de Kang Suk-ju, membre du comité central du Parti Travail de Corée et député à l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée, les cadres des organismes du parti, de l'armée et du pouvoir, des organisations des travailleurs, des ministères et établissements centraux, ainsi que les travailleurs de différentes couches, ont visité le 21 courant le cercueil du défunt.